Valérie Levé au microphone de CKRL 89.1 et vous écoutez Futur Simple. Une fois par mois, Futur Simple prend la direction du Nord avec l'Institut nordique de Québec et cette semaine, je suis en compagnie de Daniel Filion. Il est étudiant à la maîtrise en chimie sous la supervision du professeur Paul Couture. Il est membre du groupe de géochimie aquatique de l'Université Laval et il nous emmène dans les lacs liés au dégel du pergélisol. Alors, on sait que du pergélisol qui dégèle s'échappe du méthane, mais il pourrait bien s'en échapper autre chose, et c'est ce que traque Daniel Filion. Bonjour Daniel. Salut Valérie. Alors Daniel, tu es membre du groupe de géochimie aquatique de l'Université Laval. Essentiellement, ce groupe, il étudie la chimie des lacs. Mais en premier lieu, moi, ça m'intrigue, la chimie des lacs, qu'est-ce que c'est? Parce qu'a priori, je m'imagine qu'un lac, c'est de l'eau, donc la chimie des lacs, c'est de la chimie de l'eau, donc c'est des molécules d'eau. Mais chimie des lacs, ça veut dire qu'il y a autre chose que des molécules d'eau dans un lac. Ouais, tout à fait, là. Donc, je pense qu'il faut briser un peu cette vision-là qu'on a des lacs, de croire que c'est une espèce de compartiment isolé, une grosse plaque d'eau qui se demande à la nature, puis qui se passe pas grand-chose avec. Mais un lac, en fait, c'est un réacteur chimique absolument incroyable. Puis, oui, il y a des molécules d'eau, évidemment, il y en a même beaucoup. Mais une des particularités de l'eau, malgré sa très grande simplicité, c'est cette particularité-là, cette propriété-là d'agir comme solvant universel. Donc, essentiellement, ça a la capacité de dissoudre une myriade de molécules. Donc, non, il n'y a pas seulement de l'eau dans les lacs, il y a toutes sortes de molécules qui proviennent de la dégradation de la matière organique, par exemple. Sinon, le lac va être nourri par la matière organique qui est sur les terres, les sols terrestres adjacents. Donc là, la pluie va venir lessiver les roches, ça va relâcher des minéraux, toutes sortes de sels. Il y a également des micro-organismes dans le lac qui vont produire d'autres sortes de composés. Donc tout ça fait une espèce de grosse soupe, si vous voulez, avec des milliers, voire des dizaines de milliers de molécules différentes, et tout ça interagit ensemble. Et en fait, la chimie des lacs, c'est ça, c'est de s'intéresser à ces réactions chimiques-là, en toutes ces différentes composantes-là, et de se poser des questions sur, par exemple, certains éléments chimiques. C'est quoi leur cycle dans un lac? C'est quoi leur devenir? C'est quoi leur flux vers d'autres réservoirs environnementaux, comme l'océan, l'atmosphère, le sol? Puis après ça, ça c'est seulement si on s'intéresse à l'eau dans le lac, mais au fond du lac, il y a des sédiments. Donc, à chaque année, il y a des dépositions, des dépôts de particules, de sédiments, puis ça s'accumule avec le temps. Et après un certain nombre d'années, ça finit par nous donner des archives un peu qu'on peut utiliser pour retracer certains événements climatiques du passé. Donc, il y a vraiment un aspect de la chimie des lacs qui est de s'intéresser aux sédiments dans le fond des lacs, puis de les utiliser comme archives environnementales, en fait, là. Ah oui, donc c'est beaucoup plus complexe que je l'imaginais. Et j'imagine que tout ça, bah, c'est pas stable, c'est pas fixe. C'est quelque chose qui évolue dans le temps, c'est quelque chose qui évolue peut-être avec les saisons, mais même au fil des siècles. Tout à fait, là. Donc, la chimie des lacs n'est certainement pas quelque chose qui est fixe. C'est des systèmes extrêmement dynamiques. C'est une réaction chimique. Si on change les conditions de la réaction, si on change, par exemple, la température, le pH ou les réactifs, ben, à ce moment-là, on n'a plus la même réaction chimique. Donc, c'est la même chose avec un lac. Il n'y a pas la même quantité de matière organique qui va être relâchée. La lumière n'est pas la même. Donc, la lumière qui est reçue par le lac n'est pas la même. La température va changer. Donc, ça change, je dirais même, dans une journée. Ça change aussi d'une saison à l'autre. Il y a clairement un aspect de saisonnalité qui est vraiment crucial quand on étudie la chimie des lacs. Et même, évidemment, à une plus grande échelle que ça, l'échelle géologique, évidemment, avec le climat, tout ça, la chimie des lacs est certainement différente, là. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend d'étudier la chimie des lacs? Quelle information on peut en tirer? C'est une bonne question, là. J'imagine que la question peut-être rapide ou la question facile, c'est qu'évidemment, ben, il y a un intérêt scientifique peut-être à vouloir comprendre les lacs un peu plus. Donc, il y a certainement des processus qui s'effectuent dans les lacs qu'on ne comprend pas encore. Donc, de chercher à les comprendre, puis de trouver leur impact, tout ça, où est-ce que ça se place dans le cycle bio-géochimique des éléments. Donc, si c'est probablement à ce niveau-là, qu'il y a un certain intérêt à étudier la chimie des lacs. Il y a un autre concept, cependant, qui a émergé, j'aurais pas tendance à dire récemment, mais qui est certainement de plus en plus utile, c'est l'idée d'utiliser des lacs comme des sentinelles des changements environnementaux. Le mot, et ici, le mot sentinelle ne fait pas référence à le sens militaire du terme, là, mais plutôt à la possibilité de l'utiliser comme un indicateur ou du moins un témoin d'un processus. L'idée, c'est qu'un lac, il y a certaines propriétés des lacs, des propriétés physiques ou biologiques ou chimiques qui vont changer avec certains changements environnementaux. Ce sont des propriétés qui sont très sensibles au changement. Donc, si on analyse les lacs assez finement puis qu'on a un suivi assez rigoureux de ces propriétés-là, ben, on est capable de détecter des anomalies presque aussitôt qu'elles surviennent. Puis ces anomalies-là, ben, peuvent nous indiquer qu'il y a un processus environnemental qui est en changement. Et puis ça peut nous permettre de détecter, de quantifier, de comprendre un changement induit par les changements climatiques avant même qu'on le voie Ah sur les territoires terrestres qui sont adjacents. Donc ça se produit comme un peu avant, ouais. Ça peut puisque nous c'est. alerter qu'il y a quelque chose qui se passe et qui se retrouve exprimé dans le lac. C'est ça, tout à fait. Donc, l'idée de les utiliser comme des sentinelles de changement, ben, en ce moment, dans le contexte auquel on fait face, ben, c'est l'aspect un peu plus élégant, je dirais, là. Donc, par exemple, on sait que je pense que l'impact climatique le plus concret qu'on pourrait prendre comme exemple, c'est l'augmentation des températures dans l'air. C'est pas nécessairement si facile que ça de voir ces changements de température-là, mais par exemple, en regardant la durée de période de gel et de dégel des couverts de glace sur les lacs, si on se rend compte que c'est un peu plus tôt, un peu plus tard, que ça dure moins ou plus longtemps, qu'on s'attarde un peu plus à cet événement-là, ben on peut tout de suite faire une espèce de corrélation avec les températures dans l'air et des propriétés comme ça qui changent, il y en a tout plein. Donc, c'est pour ça qu'on étudie surtout les lacs, c'est pour cette idée-là de sentinelle. Alors, donc c'est pour ça qu'on étudie les lacs, mais comment on fait pour étudier la chimie d'un lac? Est-ce qu'on va en bateau sur le lac avec une éprouvette, on récolte un petit peu d'eau? Comment on échantillonne finalement un lac? Ouais, l'image de l'éprouvette me fait toujours rire, là, mais en tout cas, je peux vous confirmer que j'ai jamais vu quelqu'un avec une éprouvette sur le terrain, là. Il y a certainement des bouteilles puis des viales, là, mais l'éprouvette est pas dans notre préparation. Mais le bateau, oui, certainement, là. Donc, je pense que la première chose qu'il faut mentionner pour l'échantillonnage d'un lac, c'est que les lacs, c'est le travail de préparation incroyable que ça prend en amont. Donc, en fait, comme n'importe quelle mission nordique, il y a beaucoup de préparation à ces terrains-là. Donc, premièrement, bon, disons qu'on a déjà pensé au site d'études où est-ce qu'on allait aller, puis qu'on a choisi, sélectionné les lacs qu'on voulait échantillonner, qu'on a regardé les images satellitaires, tout ça, qu'on sait les lacs qui vont être les plus intéressants pour ce qu'on veut analyser. Ben, on va faire après ça. Un choix sur qu'est-ce qu'on veut analyser. Je pense que ça, c'est peut-être la partie clé de la réponse. Tout dépend de ce qu'on veut échantillonner. Donc, en chimie, on peut, comme je disais tout à l'heure, analyser toutes sortes de composantes, de molécules, d'éléments. Donc, ce qui va un peu gouverner notre préparation, puis comment qu'on va échantillonner sur le terrain, c'est vraiment ce choix-là. Donc, si on veut échantillonner l'eau d'un lac, ben oui. Il faudrait, dans le meilleur des cas, pouvoir se rendre sur le lac. Donc, on va utiliser un bateau. La plupart des morts qu'on échantillonne, du moins dans le nord du Québec, et même au Nunavut, là, sont assez petites. Donc, ce n'est pas tout à fait des bateaux, ça va plus être des zodiacs, des petites embarcations, là. Donc, on se rend sur le bateau, sur le zodiac, on arrive sur le lac. Là, si on veut échantillonner l'eau, ben, on a différentes stratégies. Je pense que celle qui est la plus privilégiée, c'est de simplement utiliser une pompe. Donc, on a un tuyau qui relie à une pompe péristaltique. On met une extrémité du tuyau à la profondeur désirée, où est-ce qu'on veut échantillonner. Le tuyau est gradué, donc on a une indication de où est-ce qu'on est en profondeur. Puis après ça, on active la pompe et l'autre extrémité du tuyau est avec nous dans le bateau. Donc, on va simplement sortir, puis on échantillonne, on remplit nos bouteilles, par exemple. Oui, parce que j'imagine qu'on veut, par exemple, pas juste échantillonner l'eau qui est à la surface, mais des fois, on veut peut-être en prendre plus profondément dans les couches d'eau, dans toute la colonne d'eau. Peut-être qu'on veut aller chercher plus ce qu'il y a au fond. Donc, il ne suffit pas juste de tendre le bras et puis de ramasser de l'eau à la surface, mais aussi de descendre en haut, en bas, d'où l'idée de la pompe, là, justement. Tout à fait, là. Donc, souvent, ce qu'on va vouloir faire, c'est par exemple si on veut étudier un élément chimique en particulier, mais on va surtout s'intéresser à son profil dans la colonne d'eau. Donc, par exemple, on va regarder la concentration de cet élément-là à force de pénétrer plus profondément dans le lac. Donc, on va établir des profils comme ça de plusieurs éléments. Donc, il y a tout à fait un aspect intéressant de vouloir échantillonner la colonne d'eau au complet à des intervalles toujours connus, donc par exemple aux 10 cm, aux 5 cm. Donc, la surface, c'est une chose, le fond, c'en est une autre. Puis, il y a toute une chimie qui se passe entre les deux. Là, les lacs sont très rarement mélangés. Donc, la chimie qui est vraiment au fond n'est pas la même qu'à la surface. Là, il y a vraiment une stratification qui se fait. La stratification peut être physique, donc la température peut changer du bas. En fait, elle change entre les deux, mais aussi certainement les différences au niveau des éléments chimiques qu'on retrouve là. Donc, ça, c'est pour la partie échantillonner l'eau. Des fois, on va vouloir filtrer l'eau directement sur le terrain. Donc, on a des seringues, des filtres. Donc, on filtre l'eau pour retirer, par exemple, les micro-organismes qui vont consommer la matière organique, qui vont modifier en fait notre échantillon là. Un défi de taille, je crois, c'est qu'on veut garder notre échantillon le plus représentatif possible du milieu naturel où est-ce qu'on l'a prélevé. Donc, il y a vraiment une espèce de bataille un peu contre la nature de vouloir le garder le plus intact possible, si vous voulez, là. Alors, je disais en introduction que tu t'intéresses aux lacs liés au dégel du pergélisol. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est le pergélisol? Qu'est-ce que c'est un lac de pergélisol ou un lac thermokarstique, comme tu les appelles? Et pourquoi ça devient intéressant de les étudier, ces lacs-là, dans un contexte de changement climatique? Ouais, donc tout d'abord, le pergélisol, c'est par définition officielle, c'est du sol, donc des roches, des sédiments, des minéraux, des bulles de gaz. Donc, c'est vraiment le sol au complet qui est gelé pendant un minimum de 2 années consécutives. Donc, ça, c'est la définition officielle. Donc, c'est pas seulement de la glace. C'est vraiment, il y a plusieurs pergélisols qui sont riches en glace. Il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Donc, le pergélisol, c'est pas simplement de la glace. C'est vraiment le sol. Et ça, c'est important de faire la nuance puisque le pergélisol ne fond pas, il dégèle. Mais la glace qui est contenue à l'intérieur, elle va fondre. Et là, si on se retrouve avec un sol qui est riche en glace et dans lequel la glace fond, ben on peut s'attendre à ce qu'il y ait des creux qui se forment un peu partout là, et le terrain devient un peu moins stable, si vous voulez. Et là, ça va rendre le sol moins stable. Tout ça, il va y avoir des effondrements à certains endroits et ça va créer des trous. Et ces trous-là vont se remplir avec de l'eau, avec le temps. Et éventuellement, on va avoir un lac dit de thermokarst. Donc, vraiment un impact direct du dégel du pergélisol. Ce sont ces lacs-là, dans le nord du Québec, là, dans les sites, d'études où on va. Il y en a plein, là. Il y en a des centaines, des milliers, il y aura toutes sortes de lacs de thermokarst là-bas. Et l'idée de les étudier, bon, encore une fois, cet aspect-là de sentinelle qui est toujours présent, mais également ce sont des lacs qui sont nouveaux, qui sont jeunes, donc on les connaît encore pas tout à fait bien. La littérature est de plus en plus riche à ce sujet-là, mais il y a encore des résultats qui sont contradictoires. Donc, il y a pas mal d'informations encore qui nous manquent. Il y a des écarts dans la littérature qui nous manquent. Donc, puis tout ça, en fait, vu que c'est un impact des changements climatiques, ben, il y a un intérêt vraiment urgent, si vous voulez, d'aller sur le terrain et de les étudier, là, puisqu'on ne les connaît pas encore assez. Donc là, on a mis la table là, sur ce que c'est que la chimie des lacs. On a fait l'introduction des lacs de thermokarst. Maintenant, venons-en à ta recherche, à toi, à ton projet de maîtrise, en fait. Donc, ça s'inscrit justement dans ce contexte du dégel des pergélisols, du pergélisol. Oui, tout à fait. Donc, tout à l'heure, je parlais de trous là, dans la littérature par rapport au lac de thermokarst, mais l'un de ces trous-là, c'est la réponse face à la dégradation induite par le soleil. Donc, les rayons UV qui frappent les lacs ont des effets sur la matière organique qui est dans le lac. Et bon, un peu comme les coups de soleil qu'on peut avoir dus aux rayons UV, ben la matière organique peut être dégradée un peu de la même manière. Donc, les grosses molécules complexes vont être brisés en de plus petites. Et J'investigue une hypothèse qui est bien spécifique, c'est celle que certaines molécules qui sont produites par des réactions photochimiques, donc des réactions induites par les rayons du soleil, vont mener à des produits, des composés organiques qui sont très volatiles. Donc, ils vont s'échapper du lac et qui vont être émis dans l'atmosphère et qui vont se rendre là au final dans l'air qu'on respire, puis qui vont avoir différents impacts. Et l'émission de ces composés organiques volatiles-là, qui ne sont pas des gaz à effet de serre, là, il y a vraiment une différence entre les deux, ces composés organiques volatiles-là n'ont jamais été étudiés en zone nordique. Donc, on ne sait pas à quel point il y en a, on ne connaît pas les flux, on ne connaît pas leur identité non plus. Donc, mon projet se gravite un peu autour de cette émission-là. Donc, c'est un peu de la chimie analytique à savoir. De développer des techniques de détection de ces composés-là dans des milieux naturels. Donc là, si je comprends bien, en fait, c'est que bon, dans ces lacs de thermokarst, il y a de la matière organique, là, c'est la Oui, matière beaucoup. végétale ou autre, pas qui c'est la matière organique. Sous l'effet des UV, il y a une transformation chimique de toute Exactement. cette matière organique qui va produire différentes molécules, des gaz qui vont s'échapper et donc pas des gaz à effet de serre, mais bon, des gaz. Et on ne connaît pas la nature de ces gaz, on ne sait pas du tout ce que c'est. Si je résume, là, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est la nature de ces gaz-là n'est pas connue. Ouais. Et puis, mais ça prend l'influence aussi des rayons UV pour transformer cette matière organique en gaz pour le moment inconnu. C'est ça, c'est l'hypothèse qu'on cherche à répondre. Ouais. Donc, comment tu fais ça? Tu vas là aussi, donc, tu vas en zodiaque sur les lacs du thermocast, tu prélèves tes échantillons d'eau, comment tu fais ça? Oui, c'est ça exactement. Donc, moi, j'étudie deux sites différents dans le nord du Québec. J'échantillonne l'eau des lacs, donc de l'eau à la surface, de l'eau dans le fond du lac. L'idée, c'est que la lumière du soleil pénètre les lacs, va pas pénétrer le lac au complet dans la plupart des cas. Donc, il y a un intérêt à vouloir aller chercher l'eau à la surface qui est beaucoup plus à risque de subir ces réactions photochimiques. Et le lac dans l'eau qui est dans le fond du lac, un peu moins risque de. Donc, je ramène ces échantillons-là au laboratoire ici à l'Université Laval. Donc, je ne les étudie pas sur le terrain directement, puisque les instruments analytiques que j'utilise sont beaucoup trop gros pour être déplacés, beaucoup trop fragiles. Donc, c'est vraiment un projet qui se fait en laboratoire surtout, là. Oui, puis en fait, les gaz, ils sont déjà partis, donc tu ne pourras pas récupérer les gaz sur place non plus. C'est ça exactement. Il y a un défi à ce niveau-là. Donc, j'ai pas le choix de ramener les échantillons ici au sud, là, disons. Puis là, le défi, en fait, c'est de créer une espèce de montage expérimental qui réplique les conditions Voilà, auxquelles les lacs sont exposés. parce qu'il faut finir par les exposer aux UV, ces C'est ondes ça. échantillons pour reproduire comment là-bas sur place ils sont exposés aux UV et émettre des gaz que tu vas pouvoir analyser ici au laboratoire. Exactement, là. Et ça, c'est la partie un peu excitante du projet, là. Donc, c'est de réussir dans des conditions complètement différentes, de recréer le même type d'environnement. Donc, il faut premièrement, par exemple, un soleil. Donc, il a fallu que je m'interroge à savoir comment je fais pour répliquer le soleil en laboratoire, là. C'est pas nécessairement facile. Donc, par exemple, j'utilise une lampe qui est quand même assez sautée, là. C'est une lampe à arc électrique au xénon. Et donc, avec ça, je peux irradier mes échantillons que j'ai ramenés du nord. Puis, là, j'ai tout un système qui me permet d'analyser, de caractériser tous les produits qui sont émis dans la phase gazeuse suite aux réactions photochimiques qui se produisent. Et puis sur des, est-ce que tu fais varier le temps, la durée d'exposition aussi? En fait, ça, ce qui va gouverner le temps d'exposition, c'est à quel point ça prend du temps avant que les molécules se produisent. Donc, on voit vraiment dans mes différentes expériences que après quelques minutes, il commence déjà à y avoir l'émission de composés organiques volatiles. Puis, si après 30 minutes, par exemple, je n'ai plus de signal, ben c'est que les réactions se sont terminées. Puis, si ça prend une heure, ça prend une heure. Donc, c'est pas vraiment moi qui peut varier ce paramètre-là. Donc, en même temps, ça rajoute un aspect peut-être temporel à toutes ces expériences-là. Alors, ces composés organiques volatiles là qui sont que tu réussis à faire émettre dans ton montage en laboratoire, en fait, qu'est-ce que ça nous apprend en fait? Est-ce que c'est bon, c'est pas forcément des gaz à effet de serre, mais qu'est-ce que ça nous apprend, ces composés organiques volatiles? Ben, en fait, c'est qu'il y a une chose, je pense, critique à cette question-là qu'il faut mentionner, c'est que étant donné qu'on les connaît pas, on peut pas parler en fait sur les dangers qu'ils représentent. Donc, tant qu'on n'a pas une idée sur leur identité, sur leur flux, donc autrement dit sur la quantité qu'il y a, on peut pas vraiment s'avancer sur les dangers environnementaux qu'il y a. Donc, l'intérêt de vouloir les caractériser, de les identifier, c'est ça, là. Donc, ils ont plusieurs impacts. Les gaz à effet de serre, ce sont des molécules dont les impacts climatiques sont bien connus, mais les composés organiques volatiles, eux, un peu moins. Donc, c'est de pouvoir insérer peut-être éventuellement dans des modèles climatiques peut-être une ligne d'entrée dans ces modèles-là qui inclurait les composés organiques volatiles, puis qui, là, on pourrait avoir une idée de leur danger potentiel ou pas. Là, j'imagine que ça va dépendre du type de lac de thermocarte. Peut-être que ce n'est pas les mêmes gaz qui sont émis selon la nature elle-même du pergélisol qui était présent avant la formation du lac. Tout à fait, là. Donc, c'est pour ça aussi que je fais mes projets, mes terrains à deux sites d'études différents. Donc, on regarde déjà un premier contraste au niveau du type de pergélisol sur lequel on est. Et là, on s'attend, on a posé comme hypothèse que oui, en effet, les composés organiques volatiles ne devraient pas être les mêmes dans ces deux types d'environnement, étant donné que ce n'est pas la même quantité ou la même qualité de la matière organique qui est à l'intérieur. Et à partir de ces résultats-là, donc de la caractérisation, de l'identification de ces composés organiques volatiles, comment vont se poursuivre tes recherches? Une fois qu'on a un système expérimental qui fonctionne, qu'on sait qu'on a validé, puis qui donne une réponse analytique qui est reproductible, qui est stable et qui est sensible, on peut après ça identifier les différents composés. Ça, c'est une partie du travail que j'ai déjà fait. Et à partir de ça, là, il y a deux grosses réponses, je crois, qu'on peut aller chercher. D'une part, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, donc de quantifier ces émissions-là, c'est une chose de savoir leur nature, de savoir c'est quoi la molécule émise, mais il faut absolument venir avec un résultat quantitatif et de savoir à quel point il y en a. Il y en a-tu beaucoup, il y en a-tu pas beaucoup, à quel point ça se compare aussi avec les émissions de gaz à effet de serre. Donc, la partie quantification est clairement quelque chose sur lequel je vais travailler prochainement. Et d'autre part, et c'est peut-être une partie un peu plus chimie fondamentale, c'est de se poser des questions sur les mécanismes de formation. Donc, ça va être le moment où est-ce que je vais devoir m'asseoir puis faire mon travail de chimiste, là, si vous voulez, puis comprendre comment ces molécules-là se forment, donc aller étudier les mécanismes réactionnels de formation, puis avec ça, on devrait avoir une belle contribution à un phénomène qui n'est pas super bien connu, mais qui est projeté pour devenir de plus en plus dominant avec le contexte de réchauffement Exactement. climatique. Ah, c'est ça. Donc, on voit que les changements climatiques sont à l'œuvre dans le Nord et on ne sait pas toujours bien ce qu'il va en résulter, notamment à travers ces fameux lacs de thermokarst. Alors, merci beaucoup, Daniel, pour cette visite en contrée nordique. Merci beaucoup. Ce presque plongeon dans ces lacs de thermokarst qui sont peut-être pas si chauds que ça d'ailleurs pour faire un plongeon. Donc, je rappelle que nous étions en compagnie de Daniel Filion, étudiant à la maîtrise en chimie, membre du groupe de géochimie aquatique de l'Université de Laval et de l'Institut nordique. Alors c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine et il sera question entre autres d'analyse de cycle de vie. Et pour le moment, eh bien, restez donc sur CKRL 89.1. Futur Simple passe le relais à En Aparté avec Calypso le Moine. je suis.